Le ministre coréen des Affaires étrangères, Lee Yong-ho, a envoyé le 2 août un message de félicitations à Soares Sambu, nommé ministre chargé des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des compatriotes d'outre-mer de la République de Guinée-Bissau. Le destinataire a exprimé sa conviction du développement continu des relations traditionnelles d'amitié et de coopération entre les deux pays, conformément aux intérêts des deux peuples, et lui a souhaité succès dans son travail pour le développement des relations extérieures du pays.